Qu'est-ce qu'une expérience morale? Il y a beaucoup de gens qui débattent savamment, de manière plus ou moins profonde ou abstraite, d'une différence qui traverse toute la philosophie entre ce qu'on appelle la morale d'un côté et ce qu'on appelle l'éthique. Quel est exactement le sens de cette différence? Qu'est-ce qui la justifie? Eh bien, reportons cette question et partons peut-être de leur origine commune qui se trouve dans notre expérience, qui se trouve dans le moment où notre expérience devient l'expérience morale. Qu'est-ce que c'est exactement que l'expérience morale? Pour le savoir, il faut partir d'un exemple. L'expérience, c'est toujours la prise de conscience d'un événement et d'une signification qu'il a pour toute notre vie. Mais l'expérience morale proprement dite, c'est plutôt l'expérience d'une situation où nous prenons conscience tout à la fois de notre responsabilité personnelle, par exemple dans un choix, ou dans le fait de subir le choix d'autrui, en tout cas l'expérience de la responsabilité de quelqu'un dans quelque chose qui nous arrive, l'expérience de la liberté d'un côté, mais aussi l'expérience justement dans ce choix, dans cette responsabilité de principes qui doivent orienter, justifier une action et par exemple une action plutôt qu'une autre, faire ceci plutôt que cela, comme le Cid dans la pièce du même nom de Corneille qui doit hésiter entre venger son père ou non et ainsi sacrifier ou non son amour. L'expérience morale, c'est le moment où l'expérience est à la fois la prise de conscience d'une responsabilité et d'une liberté personnelle dans une histoire, c'est cela qui deviendra l'éthique, et puis l'expérience de principe qui doivent justifier une action et être plus ou moins juste, l'expérience d'action qui dépendent de nous mais aussi qui construisent des valeurs ou des principes, et parfois opposés, parfois et peut-être toujours dans le déchirement. L'expérience morale, c'est donc aussi peut-être constitutivement quelque chose comme une expérience négative. C'est ce que soutient en tout cas un philosophe important et méconnu de la morale, contemporain de Vladimir Jankélévitch et de Jean-Paul Sartre, et qui publie la même année que L'être et le néant de Sartre, un livre essentiel intitulé « Les éléments pour une éthique ». Il s'agit de Jean Naber, qui avait publié auparavant d'ailleurs un livre tout aussi important et méconnu, intitulé « L'expérience intérieure de la liberté ». Dans Les éléments pour une éthique, Naber montre que la morale surgit avec l'expérience rétrospective d'une action négative, par exemple la faute non pas comme transgression d'un code ou d'une loi, mais comme acte que je me reproche. Alors le sujet se rapporte à lui-même de manière morale, un peu comme la liberté sartrienne qui se découvre responsable pour toute l'humanité dans chacun de ses actes, qu'il s'agisse du héros ou du salaud. J'affirme toujours une valeur universelle. Ainsi, c'est dans l'expérience que se retrouve à la fois la liberté personnelle, qu'on appellera l'origine de l'éthique, et les principes universels qui sont à l'origine de la morale. Mais la morale, comme la politique, sont d'abord des expériences.